ça. C'est lui, oui. Mais nous, oh oh, mais puis va ça. Ouais, ouais, ouais, ouais. La meilleure là, tout le monde. P, chantez. R, I, bye. P, R, I, ça c'est oui, bye. Repeat again. Yeah.